Les robots vont prendre vos boulots. Commencez à penser au temps libre. Pour le salaire, www.patron.com. Amis humains, bonjour. Voici le début d'une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Nous allons commencer par le début, soit, mythologie et littérature. Pygmalion and Galata, Jean-Léon Gérôme, 1824-1904. Metropolitan Museum of Art. La littérature et le cinéma constituent des indicateurs très importants de l'évolution des idées, des peurs et des espoirs d'une civilisation. Cela est particulièrement vrai pour la robotique, dont le concept même est avant tout littéraire. L'ancêtre par excellence du récit de créatures artificielles est probablement le mythe du golem dans la tradition juive, duquel le mythe de Pygmalion est souvent considéré comme un avatar. Pygmalion était un roi de Chypre, qui, selon la légende, tomba amoureux d'une envoûtante statue d'ivoire, Galatée, qu'il avait lui-même sculptée. Touchée, la déesse Aphrodite décida de donner vie à la statue. Dans la Bible, le mot golem apparaît au verset 16 du psaume 139, dans le livre des psaumes, traduit selon les versions par embryon, ou corps sans âme. C'est dans le Sefer Yetzirah, ou livre de la création, que le golem est créé par le rabbin Jérémie et son fils Ben-Sira. Gravé sur son front de glaise, le mot Emet, vérité, est inscrit. Le livre de la création, écrit en Palestine entre le 3e et le 6e siècle par un juif néo-pythagoricien anonyme, décrit la formation du cosmos à partir des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Cet ouvrage eut une vaste influence. Grâce à son étude, on croyait possible de créer un golem, c'est-à-dire un homoncule, par la combinaison de lettres selon le dictionnaire historique de la langue française. Le mot golem est emprunté, 1877, à un mot hébreu signifiant d'abord masse informe, embryon, hébreu biblique, puis masse, ta, hébreu de la mikna. Le sens moderne du mot, être artificiel à forme humaine, animé par un texte biblique fixé sur son front, apparaît en hébreu médiéval, XI siècle, dans les légendes juives d'Allemagne. Fin de cette première partie, à bientôt, grosse bise numérique.